Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Ce scandale est probablement l'un de ceux qui frappe le plus les esprits parce qu'il puise dans la symbolique des dents. Et oui, les dents, depuis Fantine. La Fantine des Misérables, chère à Hugo, à qui l'on proposait deux Napoléons pour ses palettes, je veux dire pour ses dents de devant. Jusqu'à un ancien président à qui on a prêté l'expression terrible pour parler des pauvres de 100 dents. Eh bien, les dents, c'est quelque chose qui compte. Mais les dents des pauvres, aujourd'hui, ça se dit Dentexia, du nom d'une enseigne de dentisterie low cost, qui signifie calvaire pour des milliers de bouches qui sont allées dans ces cabinets de dentistes en espérant se faire soigner et à qui l'on a menti comme des arracheurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Plus de 1500 patients meurtris dans leur chair entre 2013 et 2015. Dentexia, c'est le super fail de la semaine. Super fail. L'affaire Dentexia ressemble fort à un scandale sanitaire et financier du nom de cette chaîne de cliniques dentaires à bas prix. Les plaintes se multiplient, on estime à 2000 déjà le nombre de victimes de ces dentistes véreux. Sébastien Pouquet, Alexandre Lépinet. Bernard Delosier est l'une des victimes d'un scandale sans précédent de soins dentaires. C'est infectif, mais j'ai sans arrêt des abcès. Là. De toute façon, vous le voyez, là, je suis gonflé comme une pachydère. En 2014, il fait appel à Dentexia pour réaliser ses implants. Un réseau clinique réparti sur tout le territoire qui revendique des soins financièrement accessibles et de qualité. Mais la réalité est tout autre. Ils sont plus de 3000 en France à avoir été opérés par ces dentistes low cost. Les conséquences sur la santé sont sans équivoque. Perte de sommeil, de problèmes psychologiques et physiques. Rosario Matina s'est lui fait arracher une dizaine de dents et a perdu 20 000 euros. Il a monté un collectif. Devant moi, j'ai des mails de personnes qui veulent se suicider parce qu'elles ne savent plus comment faire. Parce qu'elles n'ont plus d'argent, elles n'ont plus de dents, elles sont dans leur coin, elles ne savent plus comment faire. Abdel Awacheria, représentant de l'association La Dent Bleue, a reçu des centaines de messages de patients laissés à l'abandon par ces centres Dentexia. Il nous parle des conséquences dramatiques pour les victimes. Au-delà des aspects financiers ou purement sanitaires, je pense que c'est vraiment cette dégradation des victimes dans leur dignité qui, pour moi, caractérise le plus les dommages qui ont concerné l'ex-patientèle de Dentexia. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut se concentrer sur les différents volets qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'au plan sanitaire, on a des victimes qui ont été mutilées, c'est-à-dire qui ont eu des dents extraites alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Elles ont été victimes donc de surtraitement. On a des victimes qui ont eu des piliers d'implants qui ont été posés et qui avaient été importés par des canaux douteux. Et ces piliers d'implants se sont avérés être de mauvaise qualité. Ces piliers ont pu tomber depuis. On a des prothèses également de mauvaise qualité qui ont été posées. J'ai des messages de victimes qui ont avalé leur couronne, qui se sont retrouvées avec des dents qui se sont cassées, qui sont tombées. On a des victimes également qui ont déclaré des souffrances parce qu'elles avaient des occlusions en bouche qui étaient mal ficelées, si on peut dire. Elles avaient du mal à fermer en fait les maxillaires, à parler de manière normale. Elles avaient des dentiers qui les mutilaient, qui les handicapaient. Donc on a cet ensemble de points qui révèlent en fait des causes de souffrance physique. On a encore aujourd'hui des victimes qui, parce qu'elles avaient contracté des crédits personnels, par exemple, ont continué à les payer. Et on peut dire qu'elles ont bu le calice jusqu'à la lie, puisque certaines continuent à ce jour de payer des traites pour des emprunts personnels, pour des crédits qui correspondent à des soins qu'elles n'ont pas reçus. Et donc ça, c'est purement scandaleux. On a également des victimes qui avaient massivement déclaré leurs créances. Des milliers de victimes ont envoyé une lettre de déclaration de créance au mandataire liquidateur après la liquidation de Dentexia. Et il se trouve qu'en fait, il n'est pas possible de les rembourser puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Dentexia a été liquidé avec un passif abyssal qui s'élève à plus de 20 millions d'euros, ce qui fait que les dettes ne peuvent pas être apurées. Et comme les victimes sont des créanciers chirographaires, elles sont les dernières en fait sur la liste des entités qui peuvent être remboursées. Et ce qu'on peut également voir en termes de dommages pour ces victimes, c'est que certaines d'entre elles comptent sur un procès au pénal pour essayer d'obtenir des dommages et intérêts ou pour activer des dispositifs de type fonds de garantie. Mais comme les expertises médicales dentaires ont tendance de manière systématique à minorer le préjudice en matière dentaire, pour ce qui est des souffrances, etc., du pressium doloris, on a des victimes pour lesquelles les fonds de garantie type civi ou sarvi sont vraiment hors de portée. Donc il n'y a même plus rien à glaner du côté d'un procès au pénal pour ce qui serait de l'ordre d'indemnisation. Pour que Dentexia soit créé, il fallait une loi, la loi Bachelot de 2009. Écoutons Abdel Awacheria nous présenter les objectifs premiers de cette loi et ses conséquences sur le secteur de la dentisterie. C'est vrai qu'on peut considérer que le ferment de l'affaire Dentexia, son point de départ, est législatif et correspond à la promulgation de cette loi en juillet 2009. Alors cette loi, au motif de moderniser, de faire des économies et de rationaliser l'offre de soins, met au monde, si on peut dire, un tout nouveau paysage sanitaire en France, avec la possibilité d'ouvrir, c'est un fait nouveau, sans agrément, donc avec une simple déclaration, des centres de santé créés sous la forme d'associations, loi de 1901, à but non lucratif. Alors l'idée sous-jacente, elle paraît vertueuse, c'était de définir des établissements de santé au statut variable, qui permettrait l'accès de tous à des soins de qualité, avec une forme spécifique associative, garantissant que les bénéfices issus de l'exploitation du centre de santé ne soient pas redistribués à des actionnaires pour prémunir le système contre toute velléité de marchandisation de la santé. Or, en fait, les effets de cette loi Bachelot sont très mal anticipés. Le législateur n'anticipera pas dans le périmètre de sa loi les effets de la création de ces centres associatifs, et c'est tout l'inverse qui se produira lorsque Pascal Stechen, le fondateur de cette chaîne de centres dentaires, qui était également un manager, un professionnel de la communication, qui avait été condamné par le passé à 12 ans d'interdiction de gestion, et donc qui n'avait rien à voir avec le milieu médical et encore moins dentaire, décidera de fonder Dentexia. Et cette chaîne de centres dentaires à bas coût, dont les tarifs étaient censés dissuader les patients de recourir au tourisme dentaire, s'avérera être en réalité une entreprise commerciale déguisée. Et oui, parce qu'à l'origine, le projet de Dentexia semblait vertueux. Il s'agissait de rendre les soins dentaires accessibles à tous et les journaux télévisés de l'époque avaient largement contribué à leur promotion. Bonjour madame, vous allez bien ? Regina va bientôt retrouver une dentition de rêve. Elle s'est enfin décidée à franchir la porte de ce cabinet dentaire parisien pour réaliser 3 implants et ne l'a pas regretté. J'avais des soins dentaires, notamment des implants dentaires à faire. Je me suis renseignée en cabinet privé, que les prix étaient exorbitants, de 2000 à 2500. Et ici, on me proposait à 970 euros un implant, tout total. Au même titre que la loi Bachelot, qui mettait en avant des prérogatives qui étaient plutôt vertueuses, là encore, l'idée initiale, elle paraissait vertueuse. Elle consistait à acheter des fournitures et des consommables en gros pour réaliser des économies d'échelle, à adopter une certaine taylorisation des tâches pour augmenter la productivité. Elle consistait aussi à mutualiser des équipements, ce que ne font pas souvent les cabinets de dentisterie libérale. Et elle consistait également à salarier les dentistes pour les décharger de tout aspect administratif. Et grâce à ce système, en fait, des implants et des prothèses pouvaient être posés aux patients à des prix cassés. Alors quand je dis prix cassé, il faut se rendre compte que le prix d'une couronne en céramique coûtait à peu près 300 ou 400 euros à l'époque chez Dentexia, et c'était 2 fois moins cher que partout ailleurs. Et c'était à peine plus que ce que remboursait la Sécurité sociale aux titulaires de la CMU, donc de la couverture médicale universelle. Et donc l'association Dentexia pouvait se prévaloir, en quelque sorte, d'exercer une action sociale en faveur des plus démunis. Et donc, dès 2012, on a eu tous ces patients CMU, mais surtout des patients de classe moyenne inférieure, si on peut dire, qui se sont pressés en masse dans ces centres, plutôt que de renoncer à des soins qui étaient devenus trop chers. Et oui, parce que derrière cette vitrine éthique, étayée par le statut d'association loi 1901, les centres dentaires Dentexia étaient en réalité des entreprises extrêmement profitables avec des assistants qui occupaient le rôle de commerciaux pour vendre des traitements extrêmement onéreux aux patients, proposant au besoin de contracter des emprunts, et les dentistes étaient des salariés qui avaient pour objectif de faire le plus de patients possible en une journée. Pascal Stechen, le fondateur de ces centres, se rémunérait en facturant des prestations plus ou moins fictives à Dentexia par une multitude de sociétés écrans. Et au-delà d'être un scandale sanitaire de grande ampleur, l'affaire Dentexia révèle un problème structurel du secteur dentaire, l'inégalité d'accès aux soins. C'est d'ailleurs ce qu'explique le journaliste Olivier Siran. Il a publié sur les dents ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale aux éditions La Découverte, et il nous explique en quoi Dentexia est représentative de la manière dont notre société soigne les dents des plus démunis. Ce qu'on constate tout simplement, c'est que dès l'enfance, les problèmes de caries, les problèmes dentaires, les problèmes de maladies parodontales, par exemple, sont surreprésentés au sein des populations d'origine sociale défavorisée. Les enfants d'ouvriers ont beaucoup plus de chances de développer des caries dès la maternelle que les enfants de cadre, par exemple. Et ensuite, on est encore dans une inégalité plus marquée en termes d'accès aux soins. C'est-à-dire que les soins de base sont certes couverts par la Sécu, ce sont les soins dont on a besoin pour éviter que les choses se dégradent ensuite, sont pris en charge, et c'est très bien. Sauf que ils sont tarifés à un niveau tel qu'ils ne permettent pas aux dentistes, qu'ils soient d'ailleurs libéraux ou de type centre de soins dentaires associatifs, de couvrir leurs frais et de dégager du bénéfice. Donc, tendanciellement, les soignants auront tendance aussi à privilégier les soins non plafonnés, les soins non remboursés, qui sont précisément les soins lourds, les soins d'implants et de prothèses. Ensuite, il y a aussi des problèmes carrément de refus de soins. Par exemple, on sait, et ça aussi plusieurs études l'ont montré, notamment une étude de Médecins du Monde menée en 2018, que une proportion élevée de cabinets dentaires libéraux refusent, par exemple, carrément de soigner les patients allocataires de la couverture maladie universelle, de la CNU. Sur Paris, Médecins du Monde, selon l'étude qu'ils ont réalisée, à peu près un dentiste sur deux refuse de prendre en charge les patients CNU. Donc ces patients-là sont de fait, de toute façon, obligés d'aller vers les centres de soins dentaires pour espérer se soigner. Centres dentaires qui sont en fait conçus dans l'idée de délivrer des soins coûteux aussi, même s'ils sont moins chers chez eux que chez les libéraux, mais quand même d'aller vers des soins qui vont permettre à leur modèle économique de prospérer. Et donc, si vous voulez, vous vous êtes pris dans un système de dentisterie à deux vitesses, face auquel les patients qui sont le plus en demande de soins dentaires sont aussi les plus défavorisés. Et aujourd'hui, 5 ans après le scandale Dentexia, qu'est-ce qui a changé ? Rien, pas grand-chose. En tout cas, rien n'empêche, a priori, l'ouverture de centres du type de ceux de Dentexia. Les causes qui ont entraîné Dentexia sont toujours présentes. Et donc, le risque d'une catastrophe sanitaire de type Dentexia n'ont pas disparu, loin de là. Et c'est ça qui est proprement hallucinant, vertigineux, parce que c'était quand même Dentexia, c'est une catastrophe sanitaire d'énormes proportions, 3000 patients au moins mutilés ou abîmés, pour certains poussés au bord du suicide, dans des situations de détresse absolue. Et en réalité, la réponse des pouvoirs publics est extraordinairement défaillante, parce que d'un côté, ils n'ont toujours pas réglé le problème d'un certain nombre de patients de Dentexia qui continuent aujourd'hui de souffrir de leur dentition mutilée. Et d'autre part, les pouvoirs publics ne se sont toujours pas attelés au système législatif, juridique, réglementaire qui permet à des margoulins de mettre en place une dentisterie à finalité purement financière. Et ça, c'est quand même incroyable que la parole et la souffrance des patients du dentaire soient aussi négligées, aussi méprisées. L'égalité des soins commence dans nos bouches, c'est ce que rappelle hélas le scandale Dentexia et le livre d'Olivier Siran sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale aux éditions de La Découverte. Superfell a été gâché par Juliette Devaux à la production. Dévasté par Louise Loubrieux et Vivien Demeyer à la réalisation et complètement ruiné par Marie-Claire Oumabadi à la technique. Superfait.